Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, à louer Allah, tout miséricordia, c'est lui qui a fait miséricorde à tout le monde il est, à dans toutes ses créatures qu'il ni. Et nous commandons à Allah, il fait éloge et il bah prophète Mohammed la paix et tous ces prophètes là nous avons avant ça plusieurs questions que nous expliquer nous parler de plusieurs problèmes et je dis à nous qu'à continuer donc à continuer je dis à, et puis quatrième question nous qu'à commencer et puis quatrième question je dis à et quatrième question ta c'est pour qui a dans l'islam, nous peut adorer rien qui Allah. Pour qui a dans l'islam, faut que nous adorer Allah seulement. Pour qui nous a posé question à tellement, c'est parce que avant, ça nous est que à dans l'islam, faut qu'on adorer en seule divinité. Nous voit que là où les rentrer en islam, faut qu'on dit la ilaha illallah. Pas ni pièce divinité. Qu'a mérité adoration si c'est pas Allah. Pas ni pièce divinité qu'a mérité adoration sauf Allah. Nous a expliqué ça mota a dit Allah. Nous a expliqué que Allah c'est bon Dieu, c'est lui qui crée toute bagaille. Hein? Et nous dit qu'il y a plusieurs noms. Nous dit que bon Dieu, c'est pas un nom qu'il a, c'est une caractéristique. Mais il y a plusieurs noms. Et parmi ces noms, il y a Allah. Nous expliquons en pile bagaille, je dis à nous qu'à continuer. Donc, je dis à, puisque nous sommes avant, nous sommes que c'est Allah seulement faut que nous adorer. Et donc, sa logique que actuellement nous avons, pour qui c'est lui seulement faut que nous adorer. Adam réponse là nous dit, parce que c'est lui qui crée toute bagaille. Ah, ça vraiment, sans bas, il ne faut pas nous oublier. C'est lui qui crée toute bagaille. S'il crée toute bagaille, donc forcément il crée nous. C'est pour ça dans réponse là nous dit tout de suite nous dit et Allah qui crée nous, c'est lui qui a mérité adoration. Pas d'autre. Pas d'autre. Ça c'est réponse là que nous matchons. Après ça nous qu'a expliquer ça. Alors nous dit que Allah c'est lui qui crée toute bagaille. C'est lui qui crée nous et Allah qui crée nous, c'est lui que nous adorons, lui tout seul. Ça, c'est un principe fondamental. Et donc, on nous garde dans le Coran, premier l'ordre là, qui Allah qui a nous. Allah est qu'à y ordonner nous en pile bagaille. Mais premier l'ordre là, il a nous, il a dit nous, à dans Sourate Déa, verset 21. Il a dit nous, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh, ces moun-là, adorez bon Dieu, zot. T'as qui créé zot, et tout ces moun-là avant zot, pour zot atteindre la piété. Et donc, il ordonne nous, il dit nous, faut que nous adorer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée nous. Ou abudu rabbakum alladhi khalaqakum. Adorer. Bon Dieu zot, ta là qui crée zot. Et après, il a continué, il a dit nous, alladhi ja'ala lakum al-arda firasha. Ta là qui fait que la terre que nous arrêter en l'œil. Il fait que la terre, c'est. En côté zot karité, en côté zot bien adan yi. Parce que zot pe gade, nous on lè la terre, nous pe construit, nous pe construit ces maisons, nous pe construit ces kay la. Hein? Nous ka construit bâtiment, nous ka fait la route. Si Allah te fait en sorte que nous pe pas construit, nous pa te kepe ke sou construit rien. Ou ka construit en kay, là ou kan construit kay la ka enfoncé koy en terre. Non! Allah, il fait que les nous construit quand il a arrêté. Il n'a pas qu'à enfoncer quoi en terre. Allah il fait que nous peut planter et nous peut cultiver. Moi je vois un monde un jour il dit moi messieurs, un monde qui était arrêté en Afrique, il fait un voyage Martinique, il dit moi messieurs, Martinique, la terre fertile même, ou qu'a planté carotte, qu'a poussé la même, ou qu'a planté tomate, qu'a poussé la même. Messieurs, messieurs. Et donc alhamdoulillah en Martinique, ben là comme ça, est-ce c'est nous qui faisons? Non, c'est pas nous qui faisons. C'est Allah qui bat nous comme ça. Et donc Allah il fait que la terre c'est un côté que nous bien, en les planètes terre, en les la terre nous bien. Il mettait nous bien. Wassama abina. Et il fait que celle-là c'est qu'on protection ba nous, c'est là qu'a protéger nous contre toi. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Et il fait descendre du ciel là, il fait descendre de l'eau. Est-ce que vous pouvez imaginer si pas tenir la pluie? Si pas ni de l'eau qui descend du ciel là, comment nous avons fait? Nous tous cas morts. Et donc Allah, c'est lui qui fait ça descendre par nous. Il fait de l'eau à descendre par nous. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Et depuis de l'eau là, il fait sortir en l'eau fruit bazote. Hein? Kabazote en subsistance. Nous ni fruits à pain, banane jaune. Nous ni igname. Nous ni tout ça qui ni. Si pas de la pli, nous pouvons manger fruits à pain. Nous pouvons manger banane, pas de la pli. Et c'est pour ça qu'il a dit nous après ça. Il a dit nous. Fela taj'alou lillahi andada wa antum ta'lamoun. Et donc, faut pas zot ba Allah pièce égale. Faut pas zot ba Allah pièce égale, pièce l'autre divinité, alors que zot savent. Zot savent, c'est lui qui fait tout ça ba zot. Pour chi zot kabay égale. Pour chi zot kabay d'autres divinités. Et donc, ça c'est vraiment ba qui est important. T'as là qui créé nous, c'est lui qui a mérité adoration. Hein. C'est ça là qu'a montré nous. À dans verset cet là. Et aussi, prophète Mohammed là, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a un monde qui vient, oui. Il m'a dit, Ayyu dhanbi a'zam, qui péché qui plus grand? Qui péché qui plus grand? Plus grave péché nous peut trouver? Il dit, prophète là, il dit, أن تجعل لله ندا وهو خلقك que ou bas Allah en égal hein, en associé avec celui qui crée ou comment on y est celui qui crée ou et ou kabaye en associé celui qui crée ou et ou ka prend l'autre divinité qui c'est ça qui péché à qui pi grave. Exode les savants bel bagay, ma kabaz entend bel bagay. Même dans la Bible là, nous avons trouvé même principe là. Dans la Bible là, nous avons trouvé même principe ta là. Nous avons allé dans Néhémie, chapitre 9, verset 6, ça y marche. Bon, il marche en français quand même, mais il m'a traduit bazot. Il marche, c'est où? Éternel. Ou celle qui créait ciel, ce ciel là. Et puis toute l'armée yo. La terre. Et puis tout ça qui n'y en l'aïe. C'est l'armée. Et puis tout ça yo ka couvert. Ou kaba tout bagaïta la, la via. Tout bagaïta ou kaba la via. Et là ou met ce ciel là ka prosterne koy devant ou. Là ou met ce ciel là. Hein? Qu'a prosterné quoi devant on. Et donc il montre nous ici à dans passage ta là, à dans passage la Bible là, nous ka voir clairement que c'est lui qui créé toute bagaille, la terre, ciel là, la mer. Et après ça, il cite adoration. Et donc qui moun yo ka adorer? L'armée c'est ciel là, dans passage la Bible ta, l'armée c'est ciel là yo ka adorer Allah ta qui créé toute bagaille. Et donc, même dans la Bible, là, nous avons trouvé le même principe là. C'est là qui crée toute bagaille, c'est lui, celle qui a mérité adoration. Et ça, c'est vraiment un principe très important, faut que nous comprenions. Faut que nous comprenions ça, c'est vraiment très très important. Et après, il y a un autre débat. Débat, ça nous peut détailler aujourd'hui. Hein? Parce que quand nous, c'est Rita, dans Rita, nous voulons apprendre ça qui est l'islam. Nous pas qu'à commencer à débattre, nous rentrer dans les détails, dans tous les détails, et puis ces autres religions. Hein? Même si sujet à là, qui moun qui créé les ciels là avec la terre, ces chrétiens, ils ont une grosse divergence entre les sujets là. Si vous regardez ces mormons, les mormons, ils ont dit que c'est Jésus qui crée toute bagaille. Hein? Là, vous regardez ces catholiques là. Ces catholiques là, il y a dans ces catholiques là, ils m'ont parlé, et puis en prêtre Martinique, il dit non, non, non, nous pas qu'à dire c'est Jésus qui crée, nous pas dit c'est mon Dieu qui crée. M'en parle et puis en archevêque en France. Il dit moi, non, non, nous qu'a dit, c'est oui, c'est Jésus et bon Dieu. Et c'est témoin de Jéhovah. C'est témoin de Jéhovah, il a dit où? C'est bon Dieu qui créait. Jésus était là, il participait tibrin, mais Jésus était qu'à obéir sa bon Dieu dit. Et donc c'est au final, c'est bon Dieu qui créait tous les cieux et la terre. En gros divergence entre eux, Pouchi, parce qu'il y a des versets qui ont contredit Koyo en les sujets. Dans la Bible, c'est un sujet problématique. Même archevêque, le même parlé, il dit moi, ça, c'est un sujet, monsieur Plaisel, un peu délicat. Ah, moi, dit mais oui, mon savent, il très délicat. Mon savent. Ben, ma réponse là. Et donc, yo divergé en les sujets. Et nous, qu'est-ce que fait? Inch'Allah, nous allons essayer de faire une conférence spécifique en les sujets hein, pour nous montrer les autres problèmes là bien comme il faut. Hein, mais dans tous les cas, ces chrétiens de façon générale, yoka diou, c'est bon Dieu qui crée les cieux et la terre. Yoka diou de façon générale, c'est bon Dieu, c'est pas Jésus qui vient après. Et donc au final, qui moun nous pour adorer? Qui moun nous pour adorer au final? C'est sa question. Est-ce nous cadeau état qui crée toute bagaille ou pas? Ça c'est un sujet qui est vraiment important, faut que nous comprenions, faut que nous arrivions à comprendre. Et après ça, nous ni question 5 ans. Nous ni question 5 ans. Pour qui m'en peut pas adorer Jésus ou bien maman ou bien Mohamed? Là, à présent, ces autres images, nous prenons question à dans l'autre sens là. Premier sens là, pour qui faut que moi adore Allah seulement. À présent, dans l'autre sens là, pour qui m'en peut pas adorer Jésus ou bien Mohamed ou bien Marie. Réponse là, parce que c'est pas yo qui crée nous. Ah, là, nous ni un point qui en accord et puis question nous est avant. T'as avant nous apprendre, t'as là qui crée nous, c'est lui qui a mérité adoration. À présent, nous qu'a continuer puis même principe là, parce que c'est pas yo qui crée nous, mais nous qu'a continuer encore, nous qu'a dit yo même c'est créatif. Ah, à présent nous commence à développer petit brin plus. Nous même c'est créatif, ça l'est dit comme ça. Ah, nous qu'a détailler. Yo t'es qu'à manger. Ah, yo t'es qu'à manger. Yo t'es faible et puis yo pas te savent toute bagaille. Ici, il y a plusieurs points. Il faut que nous détaillions, Tibrin, pour nous comprendre là bien comme il faut. Et donc, dans ces détails-là, il y a un bail que tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Chien, pas qu'à adorer chien. Vous êtes d'accord avec moi? Chien, pas qu'à adorer chien. Parce que chien, on connaît. Il pas qu'à adorer chien, puisqu'il connaît. Ok. Chat, pas qu'à adorer chat, il connaît. Moun qu'à adorer moun, chien pas qu'à adorer chien, chat pas qu'à adorer chat. Est-ce moun qu'à adorer moun? Moun pas qu'à adorer moun. Puis yo pareil. Yo ni ses mêmes défauts, yo ni ses mêmes faiblesses là. Et donc si besoin en adorant divinité, il pas qu'à adorer moun connaît. Et c'est là que nous avons venu et nous avons dit Jésus, Mohamed, Marie, ils étaient con nous. Ils étaient con nous, ils étaient qu'à manger. Quant à prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit nous, wa asoumu wa uftir. délai m'a ka jenè et délai m'a ka manje. Et donc délai ka jenè, délai ka manje. Et donc il ka manje à sou moua ouftir. Et donc prophète Mohammed là, il te ka manje. À dans la Bible là, évangile Luc là, les Jésus ritounen pour youé se apote là. Hein? Après résurrection. Les Jésus ritounen ouè se apote là, dans Bible là. Il dit yo, qui la paix en les autres. Qui la paix en les autres. Entre parenthèses, hein, Makadi, autres, entre parenthèses, qui la paix en les autres, c'est ça, c'est musulman, Makadi, le yoka weko yo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, la paix a. Hein? La paix a. Hein? La paix, que la paix soit sur vous, qui la paix a en les autres épisodes. Mais nous, qu'à faire une parenthèse là, parce que c'est pas ça sujet. À dans passage ta, évangile Luc là, chapitre 24, verset 41 à 43, c'est ce qu'a dit nous. Il dit yo, et donc Jésus, il dit yo, est-ce zot ni ici en bagay pour manger? Est-ce zot ni ici en bagay pour manger? Yo men en poisson rôti et en rayon miel bay. Il prend Adam et puis il mange il devant yo. C'est pas moi qui inventé, il y a dans la Bible. Il prend Adam et qui mange il devant yo. Et donc ça c'est une argumentation qui vraiment importante pour nous comprendre que yo pas qu'à mériter adoration. Et c'est pour ça Allah dans le Coran ça là qu'a dit nous. Sourate 5 verset 75 il a dit nous mal messih ibn maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Messia fils Maryam là c'est un prophète seulement et il y a d'autres prophètes qui passaient avant lui wa ummuhu siddiqa et maman lui c'est un madame qui est véridique qui est sincère. Kene ya koule ni tam. Yo te ka manje. Se deta la, Jezi ek maman yi, yo te ka manje, manje ya. Allah ka montre nou an bagay ki important même. Hein? Yo te ka manje, Jezi ek maman yi, yo te ka manje. Se pou sa yi ka di nou apre, yi ka di nou, unzur ke yi fe nou beyi nou la humul ayati, thumman zur, anna yuk fe koun. Gade, kouman yi nou ka montre yo se sin la. Gardez comment nous ka montrer yo ces signes là et après gardez comment yo ka inventer. Comment yo ka menti. Hein? Comment nous ka montrer yo ces signes là zot ka wè que Jésus t'ai ka manger, maman il t'ai ka manger. Comment zot ka adorer yo après ça? C'est moun lan qui t'ai ka vivre à l'époque Jésus yo wè il t'ai ka manger. C'est moun lan qui pas t'ai ka vivre dans l'époque Jésus, yo ni des traces, des preuves que Jésus il te ka manje pou ti zot ka adore après ça. Pou ti après ça nou ka inventer, nou ka di Jésus c'est bon Dieu. Comment yé bon Dieu ka manje? Ça c'est un bagay qui vraiment faut nous méditer en ça. Pou ti faut nous méditer en ça parce qu'il y a des points ici. Pou ti Allah ka montre nous que Jésus et Mariam te ka manje. Tout simplement ben là simple nous avoir ça. Parce que si ou ka manje, si ou besoin manger, c'est que ou faible. C'est que ou pas un Seigneur tout-puissant. Seigneur tout-puissant, il pas besoin pièce créative, il pas besoin d'iri, il pas besoin tomate, il pas besoin Jean-Paul, il pas besoin Abdelkarim, il pas besoin pièce créative. Si il besoin manger, c'est qu'il est faible. Il besoin créative. Et donc à moment là, il pas mérité nous adorer. Ça c'est un premier point. Deuxième point, méditez tibre, là au fin manger carotte là, hein? Hein? Là au fin manger au carré sans matinée qu'on va manger en matoutou. Là au fin manger matoutou au sac à fête. Sac à fête là au fin manger matoutou hein. On va digérer. Là au fin digérer sac à fête. On va aller aux toilettes. Pour tout le monde. On va aller aux toilettes. Pas dire moi pas aller, on va aller aux toilettes. Si ni un monde qui dit moi pas aller aux toilettes, moi qui dit menter. Nous toutes qui allons aux toilettes, nous toutes. Et donc, comment y est, m'en peut adorer un monde qui comprend, qui allons aux toilettes. Faut que nous réfléchissions à ça. Et donc Allah ici a dans verset A, il a montré nous que Jésus avec Mariam n'ont pas mérité adoration. Parce que yote ka manje, si yote ka manje, manje a ki rentre, y ka sorti après ça. Comment nous pas adorer un monde qui a dans situation comme ça? Allah ka montre nous ça, ça c'est en preuve vraiment éclatante. Faut que nous méditons, laisse ça, c'est chaman là. Nous peut pas quitter ça passer comme ça. Et donc nous, ouais, que yon tout, c'est-à-dire Mohamed, Jésus, et Mariam, yote faible, et Marie, yote faible. Yon parteni toute puissance là. Il était besoin de manger. Et ça, c'est une faiblesse qu'il a. Et là, nous avons parlé de faiblesse là. Il y a d'autres bagailles qui ont montré faiblesse là aussi. Hein. Ce n'est pas manger à seulement. Quand un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça qui fait. Là, il commence la prophétie. Là, il commence à dire ce monde là, il faut que vous adorez en seule divinité. Pas adorer d'autres. Ces gens-là, ils n'ont pas accepté. Je dis, comment y est? Nous avons quitté toutes ces divinités que nous avons. Pour une seule divinité. Ah non, non, non, non. Ça nous parle, nous parle. Ça y a fait, ils ont essayé de tuer. Ils ont essayé de tuer le prophète Mohamed là. Hein? Ils ont tapé. Ils ont fait tête lui. Oui, oui. Ils ont fait tête lui. Ils ont blessé. Et donc, ça a montré nous qu'il est faible, parce que s'il était tout puissant, il n'a pas qu'à quitter pièce créative, une main. Il n'a pas qu'à quitter pièce créative, une frappée. Quant à Jésus, alayhi salam, nous avons trouvé dans la Bible. Ça qui fait dans la Bible. Dans la Bible, il a dit nous que il a tapé. Il hein? A fait porter la croix. Il a tué. Ça, c'est dans la Bible. Hein? Attention, parce que ici, il y a nous qui ouais ça, dans quoi, et puis quoi, en ce musulman là, nous qui ouais en l'autre position. Parce qu'en islam, nous pas qu'à dire que ces juifs là, ils veulent tuer Jésus. Mais dans la Bible, nous qu'à parler, puis ils sont à présent, dans la Bible, ils ont qu'à dire que ils ont tué Jésus. Et donc, si ils ont tué, c'est un signe de faiblesse qu'il a, ou c'est pas un signe de faiblesse? Après, attends, m'en save. Ils ont qu'à dire nous, non. Jésus sacrifié quoi? C'est lui qui bat quoi tout seul. Ah. Mais ça c'est un problème. Parce que nous avons trouvé dans plusieurs passages de la Bible, dès exactement. Nous avons vu que Jésus ça il a dit, Jésus a prié bon Dieu. Il a dit éloigne de moi cette coupe. Hein? Éloigne ça dit moi, m'en parler ça arriver moi bon Dieu. M'en parler ça arriver moi. Ah dans la Bible là, ça qui m'a tué aussi. Hein, là, il t'enlève la croix. Ça, il a dit. Il a dit, Eloi, Eloi, l'imè se bèchtani. Bon Dieu, pour chi ou quitte moi. Ça marche dans la Bible. Hein? Non, pas qu'a dit que c'est qu'a dans l'islam, nous qu'a dit, mais m'a qu'a dit que ça marche dans l'Exode. Et donc, faut pas personne vienne dire moi, bon, faut pas personne vienne dire moi que Jésus, c'est lui qui bacoye. Non, ça pas vrai. Il partait les arriver. Même là, il était allé la croix dans l'Ifzot. Il a dit, pour tu ou abandonner moi. Il partait les arriver. Donc, ça sent signe de faiblesse. Est-ce nous pas adorer des mouns qui ne peuvent pas protéger Koyo contre malfaiteurs? Moun ki peut pas protéger koyo contre malfaiteur, comment nye yo ka protéger nous? Comment nye? Faut que ça explique moi. Un moun ki peut pas protéger koyo contre malfaiteur, comment nye il peut protéger moi? Mon peut pas adorer prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais mon peut adorer bon Dieu. Mon peut pas adorer Jésus. Mais mon peut adorer bon Dieu. Mon peut pas adorer Marie, mais mon peut adorer bon Dieu. Et yo tout yo ni même bon Dieu. Ah, ben la belle! Ben la belle! Et puis nous aussi, dans la réponse là, un point qui est important aussi, hein, faut pas nous oublier. Nous dit, yo te ka manger, yo te faible, Donc nous expliquer ça nous l'est pas manger, donc pas manger, il y a besoin manger à et aussi après manger à, il y a qu'à faire manger à sortir. Il était faible, nous expliquer aussi ça nous l'est pas là. Et à présent, il y a pas ça toute bagaille. Ça nous le dit pas là. Un monde qui pas savent toute bagaille, il pas qu'à mériter que nous adorer. Mon capable un exemple. Ou ka crier moi, ou ka dit moi bon Abdelkarim. Moi là manqué voyager dans un moment et mon besoin savent. Est-ce yo qui empêché moi monter dans l'avion à cause de tous ces problèmes là que il y a présent ou yo qui quitter moi, mon ka dit moi pas ça ou moi ça. Ça ou le m'en dit ou. Mon pas ça, mon pas connaître, mon pas connaître fitia. Mon pas ça moi. Même passé à sous commander moi le passé à m'en préparer pour nous. En pile bagaille pour pas ça pour ça dans passé à m'en préparer pour nous. Sous commander moi Abdelkarim. Et jeune Mona. Et jeune Mona. Est-ce qu'il a goûté mango rouge là? Hein? Est-ce qu'il a goûté mango rouge là pour lui dire nous que mango vert a bon? M'a pas dit m'en pas ça moi. M'en pas ça. On pas savoir si goûter mango rouge mango rouge là. Moi m'a goûté mango rouge là, moi mais m'en pas savoir toute bagaille. Et donc un monde qui pas savoir toute bagaille, il peut pas adorer. Il peut pas comment il peut aider ou si il pas savoir toute bagaille. On nous garder à dans Coran. À dans Coran sourate 79 verset 42 à 44. Sourate 79, verset 42 à 44. Yes'elounaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yo kamande ou. Es'atan. Satan. Ça yo le dit pas ou alors l'air. Yo kamande ou concernant l'air. L'air, c'est-à-dire la fin du monde. Hein? Fin toute la terre. Yo kamande ou en lèlè a. Ki tan yè? Fi me en ta min vikra e. Kouman yè ou pe sav? Kouman yè ou pe sav lè a ki tan yè? Ila rabbi ka moun ta he. Se bon dje ou ki sav. Se bon dje ou ki sav. Et donc, ici, prophète Mohamed la, il pate sav, il pate sav ki tan lè a yè. Et donc, nous ne pouvons pas adorer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans verset 6, sourate 50. Koul la akoulou lakoum indi khaza inullahi wa la a'lemul ghaib. Wa la akoulou lakoum inni malak. In attabir illa ma yuha ilay. Dit, et donc Allah, il a dit Mohamed, dit, m'en pas save. Dit, m'en pas qu'a dit zot. M'en pas qu'a dit zot que. Trésor Allah, c'est moi qui nie. Et donc, Mohamed, là, il a dit nous. Ma pas qu'à dire que trésor Allah, c'est moi qui nie. Et ma pas qu'à dire non plus que je connais l'invisible, l'occulte. Ma pas qu'à dire que je connais ça. Et ma pas qu'à dire que je suis un ange. Ma pas qu'à dire que je suis un ange. Je suis un être humain qu'on zot. Je suis mangé, je suis boire, je suis un zot. In et tabiru illa me yuha ilay. Par contre, man ka suivre ça yo révélé moi. C'est ça, man ça un être humain qu'on zot, mais différence là qui ni entre différence là qui ni entre nous, c'est que moi man ka suivre ça yo révélé moi. Man c'est un prophète, mais man ça un être humain qu'on zot, pas adorer moi. Moi man vinn pour transmettre zot, c'est tout. Et donc il pas mérité adoration en pouchi, il pas sav toute bagaille. Hein? Il pas sav toute bagaille. Concernant Marie, parce que nous parlons de Marie aussi, maman Jésus. Ça qui fait depuis Marie, hein, les anges l'ont vini. Les anges l'ont vini, oui. Pour dire qu'elle est tombée enceinte. Pour dire qu'elle est née en riche. Et qu'elle est criée riche à Jésus. Ça qui fait. Ça Marie dit, les anges l'ont dit ça. L'évangile de Luc, chapitre 1, verset 33. Les anges l'ont dit, Samarie répond. Il dit, comment y est-ce que ça peut être fait? Il dit comment nié ça peut faire pissement pas connaître pièce nom. Et donc Marie pas te savent. Il pas te savent qu'il était pas accouché, il était pas ni en chamaille et qu'il pas connaître pièce nom. Il pas te savent ça. Même dans le Coran, nous va trouver même bail là dans le Coran. Hein? Même dans le Coran. Voilà miem ses ni bachar. Et pas ni pièce nom qui m'aime rien. Il est étonné, pas te savent. Ça fait. Parce que c'est bon Dieu qui a fait ça, il est. Il a décidé ça, il est. Et ils savent toute bagaille. Et quant à pour Jésus, alayhi salam, lui non plus, il pas te savent qui t'en est à Kavini. Parce que nous a dit autres. Jésus, comme Mohammed, c'est des prophètes. Et ça, nous qui détaille ça plus tard aussi. Hein. Et donc, Jésus, il pas te savent qui t'en est à non plus. C'est pour ça que nous avons dans l'évangile Matthieu, chapitre 24, verset 36. Il m'a dit, quand tu as pour joie, éclair, personne ne peut connaître lui. Quand tu as pour joie, éclair, personne ne peut connaître lui. Pas même ces anges-là qui sont en ciel là. Pas même Yish là. Pas même Yish là, c'est qui mon Yish là? Hein? Yish là ici, ça il est dit. C'est Jésus. Nous qui ouais ça aussi, attention, il hein, faut pas penser que nous qui a dit que Jésus c'est Yish bon Dieu. Ça nous qui ouais ça après. Mais ça, il le dit ici là, dans la Bible là, c'est Jésus. Pas même Yish là, il pas savent qui t'en l'air. Mais papa a seulement. Papa seulement. Et donc c'est Allah seulement. Et signification Yish et papa dans la Bible, ça m'en a fait en conférence en laissant en français. Nous allons essayer de résumer ça le plus que possible ici, hein, pour ne pas faire trop long. Pas inquiéter qu'aux autres. Nous allons parler de tout ça. Pas inquiéter qu'aux autres. Nous allons voir. Et donc ici, nous allons voir ça que Jésus n'a pas été savent toute bagaille. Et donc, yo tout, Mohamed, Jésus, maman, yo tout, c'est pas bon Dieu. Yo tout, yo pas qu'à mériter adoration. Parce que yo pas te savent tout bagaille. Par contre, bon Dieu, par contre, Allah, lui, il savent tout bagaille. Lui, il savent tout bagaille. C'est pour ça qu'a dit nous, à dans Sourat 2, à dans Coran, Sourat 2, verset 282, il qu'a dit nous, wa yu'allimukumullah, wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah qui a enseigné zot. Allah qui a appris zot. Et Allah connaît toute bagaille. Et Allah connaît toute bagaille. Et il y a un pile verset dans le Coran qui a montré nous que Allah connaît toute bagaille. Et donc Allah seulement, c'est lui qui nie toute caractéristique divinité. C'est lui qui nie toute caractéristique perfection. C'est lui qui est parfait. C'est pour ça que c'est lui seulement faut que nous adorions. Nous ne pouvons pas adorer en l'autre. Ça, c'est un point vraiment capital. Il faut que nous comprenions ça. Sixième question et dernière question nous avons aujourd'hui. Est-ce que dans l'islam, Jésus c'est Yish bon Dieu? Ah, ben oui, forcément. Il faut que nous parler de ça. Est-ce que dans l'islam, Jésus c'est Yish bon Dieu? Puisque nous voyons que faut que nous adorions Allah seulement. Nous voyons que nous ne pouvons pas adorer Jésus, nous ne pouvons pas adorer Mohammed. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une information qui propageait que Jésus c'est Yish bon Dieu. Et donc, il faut que nous abordions ça. Réponse là. Ah ouais. Si bon Dieu était en Yish, Yish ta là qui était un bon Dieu, qu'on ne peut pas y. Et à un moment là, nous ne pouvons pas ni une divinité, mais des. Et en réalité, tout autre que dit moi, si j'étais c'est un sujet qui a opposé quoi à un autre sujet que nous tous d'accord. Écoutez-moi bien. Ni un sujet nous tous d'accord en l'air, nous tous. Qui ou Kevin dit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Afrique, Sénégal, m'en pas savent. Tout pays à la terre, nous tous d'accord en l'air en point. Ça qui pointe à c'est un proverbe que nous dit Martinique. Martinique, ça c'est mon langue a dit. Yo ka di ou Martinique, chien pas ka fè chat. Ça vrai ou pas? Martinique, yo ka di ou chien pas ka fè chat. Et ça c'est un bail nous ka apprendre tout côté, chien ka fè chien, chat ka fè chat, l'homme ka fè l'homme. Mais yo di nous bon Dieu ni en yish. Et yishta c'est en qui ça yishta? Si yo ka di nou, yishta c'est pas un bon Dieu, là nous ni en problème. Là nous ni en problème. Nous tout d'accord, chat ka fè chat, chien ka fè chien, lion ka fè lion. Bon Dieu ah. Ou alors, yo ka di nou, oui, Jésus c'est un bon Dieu. Ah, Jésus c'est un bon Dieu et donc à présent nous ni deux divinités, nous pas di yon. À présent faut pas nous ni que faut pas nous dire que c'est une religion monothéiste, mais nous passer à dans l'autre stade, c'est polythéiste. Plusieurs divinités. Et ça c'est interdit. Nous peut pas ni plusieurs divinités. Et nous ni un autre problème aussi. Nous avons l'autre problème aussi, c'est qui ça? C'est que les nous aller à l'école. Moi qu'a songé, là moi commence à apprendre compter. Comment qui t'en commence à apprendre compter? La maternelle non, primaire. CP, CE1. Yo apprendre nous compter. Moi t'es allé à l'école dominante. Hein, Marigo. Yo apprendre nous 1 plus 1. Ka fè ou 2. 2 plus 1, ka fè ou 3. À présent, yon le di nou 1 plus 1 plus 1, ka fè 1. Comment yè? Comment yè? Ça c'est un problématique ça. Ça c'est un problématique. Tout ça pour ti? Pour un problème, yon ka kriye la Trinité. La Trinité. Et ça, c'est un sujet nous qu'explique aussi un jour, parce qu'il n'y a pas de pièce preuve, pas de pièce argument dans la Bible pour la Trinité. Pas ni. Et ça, nous qu'est développé. Inch'Allah ou ta'ala, nous qu'est fait, mais aborder ça en français, nous qu'est fait en créole aussi. Et donc, mes amis, il faut que nous comprenions ce qui est important. C'est que bon Dieu, il commande nous, il ordonne nous que nous croyons en l'invisible. Nous croyons en l'invisible, ça nous pas ka wè, l'occulte, nous pas ka wè. Nous pas ka wè bon Dieu, pourtant faut que nous croyons en bon Dieu. Nous pas ka wè paradis, nous pas ka wè l'enfer, pourtant faut que nous croyons en ça. Et donc bon Dieu commande nous croire en l'invisible. L'invisible là. Mais bon Dieu pas qu'à mander nous quoi en ça qui illogique. Faut pas autre confondre entre invisible et illogique. Ça pas pareil. Parce que bon Dieu ba nous la logique pour nous réfléchir, pour nous comprendre ça qui la vérité, côté vérité aillé. Et ces moments à présent yo ka confondre. Yo ka confondre entre l'invisible et l'illogique. C'est débat qui est différent. Bon Dieu m'a demandé nous quoi en l'invisible, pas en l'illogique. Yon, plus yon, plus yon, pas qu'à faire yon. Ça, m'en suis et certain, m'en apprendre l'école. Pas faire moi dire le contraire. Et c'est pour ça, à dans le Coran, il y a un verset, sourate 43, verset 81. Kul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidin. Di si ar-rahman. Ar-rahman c'est qui moun? Ar-rahman c'est Allah. Ar-rahman c'est Allah. Moi dis avant qu'il était ni plusieurs noms. Nous un nom Allah et après on nous avoir un deuxième nom c'est ar-rahman. Ar-rahman ça le dit c'est ta qui c'est qui ni c'est ta qui ni toute miséricorde là. Ta qui ni toute miséricorde là. Hein? En français, il y a qu'à dire le tout miséricordieux. Ar-Rahman. C'est lui qui nie miséricorde là. Ça c'est Ar-Rahman. Et donc c'est Allah. Et donc qul in kana lir-Rahman waladun fa ana awwalul 'abidin. Dit si Ar-Rahman, si Allah, il tient en chama ici, il tient en yish, c'est moi qui suis premier adorateur. Ça c'est le prophète Mohammed là, c'est moi qui suis premier adorateur. Si il y a yish, moi tout mon adoré. Pouchi, parce que yish bon Dieu, c'est un bon Dieu. Et donc ça c'est un manière pour dire nous que Allah il paniche. Ma ka dise tout de suite il paniche parce que si il tenait yish, moi t'ai adoré. Moi t'ai adoré avant zot. Ah oui, il faut que nous réfléchissions à ça. En dernier page Coran, allez en dernier page Coran, zot kore sourate Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Dit c'est Allah. Hein? Ta qui sel ahad il pas ni pièce créa pièce il pas ni pièce divinité qui coin il pas ni pièce semblable il tout seul Allahu samad Allah est samad ta là que toutes ces créatures y ont besoin et lui il pas besoin personne il pas besoin personne lam yalid wa lam yulad il pas enfanté et personne pas enfanté. Il n'est pas engendré et personne n'est pas engendré. Bouti n'est pas engendré. Il n'est pas engendré parce que c'est lui qui est tout seul. Il n'est pas ni personne qui coin. Si engendré, Chamali, il est lui qui coin. Et donc il n'est pas tout seul encore. Mais là, il est tout seul. Ahad. Et donc, il n'est pas ni personne coin. Il n'est pas engendré. Et aussi, Bouti n'est pas engendré parce qu'il sait somed. Il sait Allah qui n'a pas besoin de personne. Et nous. Nous qu'en engendrer aussi parce que nous besoin c'est chamaï nous. Si nous toutes là, nous toutes à présent, nous qu'arrêter fait chamaï. Tout le monde assis la taille, nous qu'arrêter fait chamaï. Ça qu'a fait la race humaine qu'a éteint. Nous toutes, nous qu'a disparaître. Pas ni monde encore assis la terre. Et donc nous besoin chamaï pour que la race humaine, pour race humaine là qu'a perduré. Et donc, mais Allah il pas besoin ça. Il pas besoin chamaï. Nous besoin chamaï. Pour yo chipé quand yo dit nous les nous qu'a vieilli hein nous qu'a vieilli nous pas la force mon besoin yich moi vinn aider moi hein ay coupe ay prend ay coupe en coco dans pied coco à bas moi pas la force encore Allah il pas besoin ça il pas besoin yich il pas besoin de personne aider et donc l'âme yalid ou l'âme youlad il pas engendré et personne pas engendré personne pas engendré ben oui. Ça là que yo engendré, il pas mérité adoration. Hein? M'a ka dit tout de suite. Hein? Ta qui engendré, qui côté qui a sorti? Le yo engendré, le nous né, pas qui côté nous sorti? Ça sans signe de faiblesse. Ça qui fait le nous né? Ou besoin maman, parce que ou faible, ou besoin maman pour prendre l'air. Ou besoin maman, papa ou pour yo changer ou peut pas changer quoi tout seul. Parce que ou faible. Si il y a un monde qui passe à dans situation ta, nous peut pas adorer. Parce qu'il passe à dans situation de faiblesse comme ça, nous peut pas nous adorer après. Mais non, c'est pas normal. Et donc Allah lam yalid wa lam yulad, il pas engendré et personne pas engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, il pas ni pièce égale. Il pas ni pièce égale. Et donc faut nous comprendre point à vraiment. Ça important ces mondes-là. Ça vraiment, ça vraiment très important. Et puis aussi, Yoka dit nous que Jésus c'est Yish bon Dieu. Pouchi, parce que Jésus pas ni papa. Ah, ça c'est un argument. Jésus pas ni papa. Et donc, Yoka dit, et donc papa, c'est bon Dieu. Allah a dans Coran, il va nous répondre là à ça. Il dit nous. Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Pour Allah, situation Jésus a comme situation Adam. Ça qui fait pour Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Il créé depuis la terre. Adam, comment est Adam né? Adam pas tenu papa et pas tenu maman. Zotka dit Isa, Jésus c'est fils bon Dieu. Parce qu'il n'a pas ni papa. Ok, est-ce Adam tenu en papa? Adam n'a pas ni papa ni maman. Pour tu nous pas dit Adam c'est bon Dieu. Hein? Et aussi, si yo dit moi que oui, mais dans la Bible, il n'y nous qu'à trouver fils de Dieu, nous qu'à trouver le Père, le Fils. Ah! À présent, faut que nous gardions signification, ça l'est dit. Et comme on disait tout à l'heure, m'en fait en intervention spéciale dans le sujet en français. Nous avons essayé actuellement, nous avons un petit résumé, parce que moi, ça va présent notre l'as. Bon, c'est surtout moi qui l'as aussi, parce que à présent qu'il a eu, il faut que je regarde dans le téléphone là. Mais c'est presque 2h du matin. Donc, alors, ça nous a dit. Concernant le fils, nous avons dans la Bible, il y a matché le fils. Ça m'a dit, est-ce que le fils, ça l'a dit, yish, bon Dieu. Que c'est Yishli, vraiment c'est Yishli, ou ça n'y a une autre signification? Moi, quand je dis autre signification, c'est toute créature qui a suivi bon Dieu, toute créature qui obéissant. C'est pour ça, dans la Bible, quand on trouve un passage, il a parlé de ces juifs-là, il a dit yo, zot pas Yish bon Dieu, zot c'est Yish Satan. Est-ce Satan qui a enfanté yo? Non! Mais ça, il ne dit pas là. Que yo ka suivre Satan, yo pa ka suivre bon Dieu. Dans l'autre passage, il ka parlé de ces juifs là, il dit yo tout c'est yis bon Dieu. Et donc pour ti, parce qu'il ni parmi ces juifs là, il ni en partie, yo suivre bon Dieu, c'est yis bon Dieu, et ni en partie yo pas suivre lui, c'est yis Satan. Ça l'a dit, est-ce ça l'a dit que c'est yis bon Dieu vraiment? Non. Ça l'a dit là, c'est des créatures yo ka obéi à bon Dieu. Yo ka obéi. Et c'est pour ça nous ka trouvé Adam Galates chapitre 3 verset 26. Chapitre 3 verset 26. Passe zot tout. Ah, zot tout imaché, c'est pas moi hein. Excusez-moi, imaché en français, pas en créole. Passe zot tout, zot c'est yish bon Dieu. Si zot croit en Jésus. Ah. Zot tout zot c'est yish bon Dieu si zot croit en Jésus. Et donc tout le monde qui croit en Jésus, c'est yish bon Dieu. Est-ce c'est yish bon Dieu vraiment yish bon Dieu? Et bon Dieu c'est papa? Et bon Dieu enfanté? Ou bien ça il est dit pas là? Zot c'est créati bon Dieu, zot qu'a suivre lui, zot qu'a obéir. Ah, à présent nous qu'a commencer comprendre ça mota elle dit. Et pour le Père, là on regarde dans la Bible, le Père, c'est même bagaille là. Le Père, ça l'a dit, créateur, ta qui créé les autres. Ta qui créé les autres. Et même, là on regarde dans la religion catholique là, il y a mette, mota, le Père, ça n'y a en signification, c'est ta qui en l'air, il respecté. C'est pour ça là on regarde dans l'église, il y a dit, mon Père. Mon père, pourtant c'est pas papa moun là, il a dit mon père. Pouchi, c'est en formule de respect. Ma kason j'ai l'aimanté ka marché Martinique et puis ka misme, m'ante la et puis ka misme, ma ka marché en l'aria. C'est moun lante ka dit, mais alors monsieur, on vous dit mon père ou on vous dit quoi? Moi dit non, non, moi c'est pas mon père, je suis pas prête. Et donc, là où ka wè que mota dans la Bible, c'est pas le père, c'est pas qu'il enfanté, c'est il créé. C'est ça, ça l'a dit. Et c'est pour ça que ces chrétiens, ces catholiques-là, les yo ka prié, ils n'y ont prié, nous, tout nous apprendre les notes tout petit. Moi, quand songe, moi, t'es calé catéchiste dominante, hein, nous t'es calé catéchiste pour nous apprendre. Ça nous apprend. Moi, quand dit en créole, fouata, papa nous qui en ciel là. Papa nous qui en ciel là. Est-ce nous toutes? Tout le monde qui a dit ça, qui a dit que bon Dieu c'est papa et bon Dieu enfanté, ou bien ça nous l'est, nous qui a dit, ça nous t'est l'est, nous t'est qu'à faire invocation ta, nous t'est l'est dit, ta qui crié nous. Là actuellement, vous commencez à comprendre que mota là, papa a dans la Bible, ça il est dit, c'est ta là qui crié nous. Yish a dans la Bible, ça il est dit, c'est ta là qui a suivre bon Dieu. Conclusion, pour ne pas faire trop long, Jésus, c'est pas Yish bon Dieu. En islam, dans l'islam, Jésus, c'est pas Yish bon Dieu. Bon Dieu, pas ni Yish. Bon Dieu, c'est lui qui c'est le tout puissant. Il pas besoin pièce riche. C'est lui qui savent toute bagaille. C'est pour ça nous avons adoré. Et que nous avons arrêté là pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous avons continué là. Nous avons continué la semaine prochaine là. Inch'Allah, nous avons espéré que vous êtes toutes. Vous autres profiter, et vous autres qui profiter, moi aussi, moi qui profiter aussi de toutes ces rencontres. Nous commandons bon Dieu pardonner nous, nous commandons bon Dieu, nous commandons Allah aider nous, hein, pour lui montrer nous la vérité, pour lui montrer nous vérité. Hein? C'est lui qui est capable de toute bagaille. Et moi qui disot, inshallah ta'ala, en l'autre soleil, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.